sonné, t'as ouvert tes volets. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gémozo 107 FM, à tous ceux qui nous suivent sur le web, www.radiogemozo.eu, ainsi que sur les réseaux sociaux. Plus de 300 personnes ont été touchées par notre publication de ce jeudi. Bonjour le Québec et bonjour la région Alsace. Bonjour la technique, bonjour Marc. Ça va bien ? Ouais, avec le beau soleil. Vous êtes donc avec Gilou dans les années bonheur et je vous accompagne avec la plus belle musique en direct, ce jusqu'à 17h pour cette semaine. J'ai le plaisir de recevoir par téléphone mon ami et artiste Alex de Lucie de la région de Strasbourg qui va nous faire découvrir ses nouvelles compositions. Alex est un fidèle aux années bonheur. Avant de rejoindre, un petit coucou aux fidèles de notre émission. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur nos pages Facebook respectives. Donc Radio Gémozo et Gilles Mougel officiel. Un bisou à toute l'équipe. Je rejoins maintenant mon invité, Alex de Lucie. Bonjour Alex. Eh ben bonjour Gilles, bonjour à tous. Comment vas-tu Alex ? Écoute, ça va, à la forme, merci. C'est très à la gentil. Forme, ouais, ouais. Je suppose que chez toi, il y a le beau soleil aussi. Écoute, c'est incroyable, mais on oui. a un bel été indien, hein, comme dirait Joe Dassin. Joe Dassin, oui, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai qu'on a des belles journées. Bon, le soir, un petit peu plus frisqué, le matin aussi, mais c'est vrai que l'après-midi, normal. C'est... Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on a des belles journées, hein, et ça se prolonge. Écoute, on fait des bonnes économies de chauffage. Hein. aussi, oui, c'est vrai. c'est vrai. Non, c'est agréable, il faut en profiter, hein, surtout que chez nous, dans l'Est, quand il fait nuageux, il fait nuageux. Hein. Ah oui, c'est sûr qu'une fois qu'il flotte, tout ça, c'est triste. Hein, mais bon, on en profite. Tout à fait. Alors, comme je l'ai dit dans l'intro, Alex, que tu es un fidèle hein, à notre radio et aux années bonheur. Bah oui, bah d'ailleurs, les années, elles passent, hein, parce que maintenant, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Hein. Mais bien sûr. Alors, pour rappel, donc, je t'ai reçu le 23 janvier 2014. Déjà ? Ouais. Ah ouais. Là, tu étais venu donc en studio. Ensuite, nous avons fait une deuxième émission le 20 août 2016. Ah, ouais. Hein? Et puis, nous avons fait une autre émission là, donc c'était en Fauneur, le 2 novembre 2017. Ah, tu vois, je viens pratiquement chaque année. Ouais, tu vois. Tu es presque un recordman de. Alors, tu serais un petit peu, si tu veux, en concurrence un petit peu avec Cyril Alexis. Ah, bah oui, bah d'ailleurs, je connais bien Cyril, je passe le bonjour. Oui, tu connais bien Cyril, hein, bien sûr, on lui passe le bonjour, voilà. Hein. voilà. Donc. Pour faire un petit rappel, hein, Alex, à nos auditeurs, auditrices, et puis à tous les amis qui n'auraient pas été là dans ces différentes émissions. Donc je rappelle que tu es auteur, compositeur, interprète. Ah oui. Hein, tu as ton actif, donc un premier EP que tu avais intitulé « J'aurais voulu hein, », un premier EP de 3 titres. Oui, exactement. Ensuite, tu me dis si je me trompe, hein, ensuite un album intitulé « Un autre chemin ». Exact. Ça, c'est un album avec 10 titres. Oui. Et après, donc, un autre P, donc, Enchanté. Oui, là, d'ailleurs, là, on a commencé à faire un virage plus... oui. Un peu plus électro à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là, c'est vrai, c'est bien de le préciser, tu as raison, oui. Donc, alors, cet EP Enchanté. Alors, tu sais que j'ai sur moi, là, dans les studios, ton t-shirt. Écoute, il a dit que c'est mine de rien, j'ai plusieurs personnes qui le mettent, donc ça fait vraiment plaisir. Et... Ah ouais. Alors bon, bien sûr, tu ne le vois pas, mais bon, mes collègues peuvent en témoigner. Hein. Oui, mais d'ailleurs, tu vas super bien. Hein, oui. Et sérieux, hein, c'est que j'ai vu, mais purée, ça lui va bien, C'est vrai, puis la couleur bleue, comme ça, j'aime bien. Exact. Voilà. Alors c'est pas grave, j'ai plus de retour là, je sais pas ce qui se passe, c'est pas grave. On t'entend plus. mais ça va. Ah ça y est, c'est bon. J'avais un petit craquement, c'est bon. Je te retrouve Alex. Ah, d'accord. Donc oui, alors ce t-shirt, c'est vrai qu'il me va bien. J'en profite aussi pour te faire un coucou. Donc de Lynn. Ah ben coucou Lynn, d'ailleurs le t-shirt va prochainement arriver hein, normalement. Ah voilà, donc, donc elle est à l'écoute, elle te passe un bonjour ainsi qu'à Violette. Oui, ah bah oui. Ainsi que Pierre, ainsi que Catherine et Amélie. Voilà. Bah, oui, bien sûr. Moi aussi, bien sûr, je leur fais un bisou à tous. Hein, voilà. C'est gentil. Alors, donc, je rappelle aussi que tu composes pour d'autres artistes. Oui, tout à fait, oui. Hein, et à tes moments perdus, tu es aussi DJ Alex. Oui, je fais beaucoup de choses. Hein. Ah, tu fais pas mal de choses. Alors bon, pour t'avoir vu faire donc bah, DJ Alex, et puis bon, on s'était vu à Vic-sur-Seille. Hein, c'est, là, c'était en 2013. 2013. Ça remonte. Oui, hein, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés là-bas et tu nous avais fait bouger. Je dirais donc dans cette soirée-là. Hein, voilà. Oui. C'est vrai que. Oui, on a bien, on a bien rigolé, on a bien dansé, effectivement. Oui. C'est vrai, c'était sympa. Et puis, ben, j'oublie pas aussi notre ami commun Thierry Brenner. Hein, oui, d'ailleurs, Thierry, bien sûr. Hein, c'est avec lequel tu travailles. Danser, hein, oui. Donc, auteur de talent, Thierry, hein, bien sûr. Hein. Exact, tout à fait, oui. Hein, c'est un grand coucou, je pense qu'il doit nous écouter, je pense. Je pense, oui, je pense. Et puis, je pense qu'il a dû voir les publications hein, sur les pages Facebook, hein, je pense. Il a oui, dû je voir, pense donc, qu'on a assez bombardé. Oui, oui. Bah, écoute, c'est fait pour. Hein. Exactement. C'est fait pour, écoute, il faut. Hein. Voilà, Alex, alors, je pensais à j'étais fouillé un petit peu dans ton Facebook. Oh. Qu'est-ce que t'as trouvé dedans? Non, mais bon, voilà. Non, mais je connaissais quand même un petit peu depuis le temps qu'on se connaît bien sûr au niveau des émissions, mais on se connaît quand même aussi en dehors, puisque voilà, nous sommes amis, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Voilà. Alors, si tu me dis, hein, si je dis des bêtises, je crois que bon, Jacques Brel a été un petit peu ton inspiration pour le chant. Ben oui, en fait, il m'a beaucoup appris sur l'interprétation, parce que Brel était un grand interprète avant tout. Bien sûr. C'est vrai que ses chansons m'ont permis vraiment de. Ben, y a beaucoup d'artistes comme ça, quand ils font des interviews, tu les entends souvent dire, voilà, ils ont l'inspiration de Michael Jackson ou tel ou tel. Oui, de différents, ouais. Parce que c'est des grands. Tu vois, bien sûr. Des grands qui ont apporté beaucoup de choses dans la chanson. C'est vrai que mais c'était vraiment ton tout premier, j'irais coup de cœur. Enfin, je sais pas. Quand tu as démarré, c'était vraiment Jacques Brel qui t'a plus inspiré alors, ou... Oui, non, non. En fait, Jacques Brel est venu par après. Quand j'étais plus jeune, c'était plutôt l'inspiration de Patrick Fiori. Oui, c'est vrai, oui, on avait Patrick Fiori. Brel, c'est par après, parce que bon, tu sais que je prends des. Voilà, j'ai un coach vocal, hein, Chris Vincent. Oui. Et donc, il m'a mis sur la piste comme ça de chanteurs à explorer pour la technique et tout ça. Donc, et Brel, ben, ça m'a ensorcelé. Et puis, depuis, j'ai un peu de Brel en moi. T'as un peu de Brel en toi. Et puis d'ailleurs, je me souviens donc, que tu avais interprété une chanson dans le port d'Amsterdam, que tu vas interpréter donc à Vic-sur-Seille. Hein, voilà. Belle chanson, oui. Je me souviens de ça. Hein. Je crois que j'avais mise sur mon Facebook, il me semble. Oui. Il me semble que oui. Mais je me souvenais de ça. Et puis donc, bon, aussi, tu interprètes aussi Daniel Balavoine. Hein, SOS d'Intérien. SOS d'Intérien, voilà. Et puis, tu avais aussi interprété. Bachelet. Bachelet, ah voilà, je cherchais, oui, Bachelet. Hein, je crois que oui, tu étais aussi. Oui. Tu aimes bien aussi Pierre Bachelet aussi, hein, c'est oui, vrai. Tout que, à fait, oui. Ouais, c'est vrai que. Tu sais, je suis un peu entre deux âges. C'est ça qui est un peu. On a un peu des. Voilà, c'est un peu bateau parce que j'aime à la fois ce qui se faisait avant et j'aime ce qui se fait aujourd'hui. Ouais, d'accord. Ouais. Oui, j'ai 35 ans, donc je suis à la fois bercé de ben voilà. J'ai oui, t'as été tôt, bercé par en boîte, avec les musiques actuelles, l'électro commençait, etc. Donc tout ça, et puis j'étais aussi jeune pour entendre encore ce que nos parents écoutent. Hein, donc voilà, toutes ces chansons là qui. Bien sûr. Ont bercé nos enfants. L'enfance et tout ça, puis qui restent des beaux artistes, comme je dis toujours, du patrimoine français, quoi. Hein. C'est, ben c'est important, il faut pas les oublier. Je pense que chaque chanson, chaque chaque voilà, genre de musique, d'artiste, ben, bien sûr, à sa place, place chez nous. Ils ne sont pas les oubliés. Bien sûr, puis bon, bah, c'est vrai que malheureusement, il y en a beaucoup qui ont disparu. Alors bon, c'est vrai que des fois, ça se suit. Bon, voilà, il y a eu Charles Aznavour, Jacques Brel, Johnny l'année dernière. Bon, ben c'est vrai que bon, tous ces artistes-là, faut dire aussi, bien sûr, un âge certain, quoi, forcément. Hein, bon, ah, et oui, hein, c'est un peu la vie, hein, ça fait partie de la vie, mais bon. Tu vois des fois des publications sur Facebook, ils disent « Ah, ben, voilà encore un qui est mort, voilà encore un qui est mort. » Ben, c'est vrai, ça suit, mais bon, ils ont un certain âge quand même, donc voilà. Oui, exactement. Oui. Ah, c'est la vie, quoi. C'est... Et ben, c'est toute la génération de l'époque. Ah, bah hein. Oui, ah ben, c'est sûr, ouais. on est tous. Le François, etc., ils avaient été encore en vie. Là, ils seraient vieux à l'heure actuelle, donc. Oui, bien sûr. Mmh. Voilà, ils seraient tous maintenant dans. Oui, c'est cette période-là que tous ces chanteurs des années 60, 70. 70, qui... tout ça, voilà, qui. Bah, tout doucement, qui disparaissent. Bah oui. Voilà quoi, mais pas bon. Aznavour, mais je veux dire, c'est là où ils étaient en pleine carrière, hein, donc forcément ils avaient 20-30 ans à l'époque. Voilà. Ouais, puis nous on était. Enfin, moi j'étais. Toi t'étais pas né. Non. Moi j'étais. Non, non. Moi j'étais minot. Ben oui. Donc. J'ai mon bec fabuleux. Donc c'est vrai qu'on a été bercé par tous ces artistes-là, quoi, voilà. Alors Alex, si tu veux bien, oui. On va commencer à mettre un petit peu l'ambiance, voilà. Donc j'ai choisi pour ce premier titre, oui. On va écouter donc Enchanté. D'accord. Hein, d'accord ? D'accord. On écoute et on en reparle après. À tout de suite. Enchanté. Ah bah, en fait, t'as pris le remix. Oui, j'ai pris le remix. il fallait pas. Si, bien sûr. Si, hein, bien sûr, hein. Bah, d'ailleurs, je passe le coucou à Nicolas qui, bah, justement, a fait le remix, donc un super remix. D'ailleurs. D'accord, oui, c'est bien, ça bouge bien. Alors, je dis toujours, je fais beaucoup de bisous dans l'émission. Alors, là, je transmets, c'est un bisou de ta maman Violette pour Lynn. Voilà. D'accord. Tout le monde est à l'écoute, et puis donc elle me fait un bisou aussi, Violette, et puis voilà, Lynn. Donc, je transmets. Ah, bah, c'est gentil. Voilà. c'est bien. Donc voilà, enchanté, donc fait partie. Donc là, c'est un tournant, c'est ce que tu me précisais tout à l'heure, à ce moment où tu as sorti cette EP. C'est donc un tournant un petit peu, hein, dans les compositions, je dirais. Bah oui, dans les compositions, plus, parce que vraiment, je me suis mis vraiment à la page. Hein, donc c'est vraiment des musiques plus actuelles. Donc c'est vrai qu'on a. Voilà, parce que j'aime, comme je t'ai dit, hein, oui. Tu me connais, puisque je suis aussi un peu DJ. Bien sûr, oui. Donc le monde de la nuit, etc., des musiques actuelles, ça fait partie de ma vie, tout simplement. Ah oui, oui, bien sûr. Je suis entre deux âges, 35 ans, c'est entre deux âges. Bah oui. Mais alors, quand tu fais des soirées en tant que DJ, donc tu passes un petit peu de tout, forcément. Hein, mais moi, je passe des années 60 au 20, à de la house, la musique actuelle. Hein. Ah, mais oui, bien sûr, oui, je me doute bien, c'est sûr que... La danse des canards, tu fais ça? c'est quand même rare. C'est quand même rare. Ça serait plus pour les mariages. Oui, et encore, même là, ils sont... Voilà, tous ne le veulent pas. Oui, bien sûr. Donc voilà. Alors on écoutait Enchanté. Donc donc suite après cette EP, Alex, donc tu composes trois nouveaux titres, hein, si je me trompe pas. Tu après Enchanté. Qu'on écoutera. Oui, après le EP Enchanté. Ah bah, après l'EP Enchanté, il y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, qui est un deux titres. Qui est un deux titres. Et ce deux titres, il est sous forme physique, enfin sous single physique, et bien sûr, donc j'avais vu que on peut les trouver sur, bien sûr, oui, Spotify. Disons. Non, j'ai pas fait de. Oui, t'as pas fait le single physique, je veux dire. J'ai pas fait de ouais. Physique. Voilà, d'accord. S'il y a un physique, on fera un album, mais pour l'instant, voilà. C'est, aujourd'hui, il n'y a plus trop maintenant, on sort plus trop des albums de suite comme ça. Oui, bien sûr. Et beaucoup, souvent les artistes sont single par single, on regarde, on y va à tâtons, on regarde si ça fonctionne. Ouais, voilà. Si ça plaît, tout ça. Ouais, oui, si ça fonctionne, et puis voilà, et si effectivement le public apprécie, et ça nous fait énormément plaisir, on enchaîne sur un album, c'est évident, oui. Bien sûr, oui. Oui. Donc on reparlera, on va garder le meilleur pour la fin, je dirais. D'accord, oui. Hein, si tu lui es d'accord. Hein, on va garder le meilleur pour la fin. Oui. Donc voilà. Donc ces titres-là, c'est toi qui as composé, bien sûr, la musique. Oui. Et puis donc les paroles sont de Thierry. Thierry. Hein, c'est bien ça. Hein, donc vous travaillez ensemble, bien sûr. Oui, oui, hein, oui. Maintenant aussi deux trois ans. Ouais. D'accord, ouais. Et puis je voulais dire aussi, je sais pas si j'avais dit, tu composes aussi pour d'autres artistes. Bah oui, je les avais fait écouter. C'était de Pierre Lucio. Ah oui, d'accord, oui, ça me parle, Pierre Lucien. Aussi un bel EP avec Thierry, et c'est une super chanson, elles sont magnifiques, franchement, c'est de la variété, mais c'est très, très bien fait. Ouais, très d'accord. Bien réalisé, et aussi pour Franck Moulin qu'on a aussi écrit un EP. Ouais, d'accord, mais Pierre Lucien, oui, ça me parle, je sais même pas si j'ai pas le... Il a fait le single, hein, Pierre. Oui, il a fait. Oui, c'est un. Ah, il a fait l'EP, quoi, je veux dire. Un titre. Mais oui, effectivement, pour plusieurs artistes, on compose, oui. Oui. Voilà, donc tu es pas mal occupé, hein, je veux dire. Mais bon, tu ne passes pas toute. Je veux dire, tu as un travail à côté quand même. Hein, c'est vrai que. Oui, oui, j'ai un travail à côté, mais ça... comme dit là, ça va se finir tout doucement. Enfin, oui. Moi, je vais mettre fin tout doucement parce que la musique prend de plus en plus de place dans ma vie. Bien sûr. Et donc forcément, je peux pas. une journée fait 24 heures et pas 30 heures par jour. Ah oui, bien sûr. Donc, il y a du boulot. Voilà, je vais vraiment me consacrer à partir de janvier uniquement dans la chanson. Dans la chanson, d'accord. Ouais. Ok. Oui, puis donc, il y a du travail dans la maison aussi, hein? Oui. Oh là là, m'en parle pas. Vois, la petite maison à rénover, c'est... La petite maison à rénover, tu vois, j'ai vu ça aussi, voilà, c'est bien. Ah oui, bah, il faut un moment... Oui, un moment... On arrive à un âge, il faut s'installer. Il faut s'installer, tout à fait, voilà, c'est vrai. Mais tu es dans la même région, quoi, je veux dire, hein, tu restes en Alsace. En Alsace, oui. Bien sûr, hein, voilà. Bah, c'est du travail, hein, c'est vrai, aussi, voilà. Ça s'accumule, donc ça fait un peu beaucoup à gérer, mais bon, on va y arriver. Et puis, et en tout cas, à partir de janvier, ben voilà, c'est open sur la musique. Ça, c'est open sur la musique. D'accord. C'est bien. Bah, de toute façon, on va suivre tout ça. Hein. Bah oui, parce que bon. Il y aura d'autres. Forcément. Bah là, oui, là, c'est vrai qu'au fur et à mesure de mon avancée artistique, je rencontre de plus en plus de personnes, oui, qui souhaitent également travailler avec moi, donc c'est vrai, ça avance. Et puis là, je vais retourner sur Paris le mois prochain, ouais, normalement le 12 novembre, le 12 ou le 16, mais je pense plutôt le 12 novembre, je vais de nouveau sur l'émission de Jackie, oui, du Club d'accord. Dorothée, là, je sais pas si tu te souviens. Si, oui, je me rappelle bien. Ouais, je vais faire l'émission sur IDF1, normalement le 12 novembre. D'accord, c'est bien. Hein, c'est... Mmh. Alors, donc, c'est pareil. Oui, alors le clip, on en parlera tout à l'heure. Du clip vidéo sur la chanson, on en parlera tout à l'heure. Hein. Mmh. Donc, si tu veux bien, on va écouter une deuxième chanson. Avec plaisir. Donc, celle-là, je l'ai pris. C'est une petite surprise. Je me suis dit, bon, on va en mettre quand même 4, hein, sur une heure d'émission. Oui. Marc, il était surpris tout à l'heure parce que, bon, en général, je lui amène mes chansons dans la clé USB, c'est prêt. Je lui passe ma playlist. Et puis, quand il a vu 4 chansons, il s'est dit, oh, ça te ressemble pas, ça. Parce que c'est vrai que d'habitude, bon, j'aime bien avoir plus. Bon, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait décidé ensemble, bien sûr, hein, d'un commun accord, de faire une heure d'émission. Hein. Oui, voilà. Et j'enchaîne en fait les interviews. Voilà, c'est ça. Puis, donc ce soir, tu seras aussi en interview, hein, à 18h40. Oui. Hein, sur Mountain Radio. Voilà. Voilà. Alors, ça se trouve où, ça? Enfin, c'est dans quel secteur? C'est dans ton région? À Bourriaz, là-bas, voilà. D'accord, ok. D'accord, voilà. À la campagne? Non, dans les montagnes. Ah, j'avais compris, à la campagne. Dans les montagnes. Dans les montagnes. Ah oui, Mountain Radio, quoi. Ah oui, c'est comme chez toi, c'est aussi la montagne, là-bas. Ah bah, c'est la montagne, oui, bien sûr. Ah, oui. Je me souviendrai quand je suis venu chez toi. Hein. C'est vrai? Par rapport à, c'était quoi, le col de la Chourte? Le col de la Chourte, non, je sais plus. Ah oui. Oui. Donc du coup, je me suis dit, j'espère qu'il neige pas trop, il commence à neiger, je me suis dépêché pour rentrer. Ah bah oui, c'est vrai que quand ça tombe là-haut, c'est difficile à circuler. Oui, mais ça va, là, j'ai touché du bois, donc c'était la première fois, je crois, que j'étais venu, c'était en hiver, il me semble, non? Attends, voir... Oui. Ah bah, c'était bah oui, il y avait eu au mois de... Attends, je m'étais noté ça, c'était peut-être au mois de novembre. Oui, c'est ça, voilà. C'était, ouais, au mois de novembre, hein. Exact, voilà. Ah, c'est ça, hein. Ouais, d'accord, oui. Bah oui, à cette époque-là, c'est vrai que c'est un petit peu scabreux quand on passe par là-haut. C'est vrai que voilà, quoi. Alors, j'ai un petit bonjour à te faire de la part de Dany. Dany Blondeau, c'est une... Ah, bah, je fais un gros bisou de ma part. Voilà, ouais. Donc elle est à l'écoute. Donc elle fait un bisou, bonjour Gilles, et aussi à Alex. Ah bah, gros bisou, Dany. Voilà, Dany qui est une auteure aussi, de talent aussi. Oui. Hein, alors elle me met, oh lol, il est très vieux, 35, mort de rire, les canards sont cuits. C'est ça, c'est le petit humour de Dany, j'aime bien, elle est toujours fidèle à cette émission. Et voilà, alors, donc, comme je disais, on écoute une deuxième chanson. Oui. Qui s'intitule... En fait, c'est le deuxième titre de ton album Enchanté. Donc, okay. Ce titre, c'est On joue pas. Allez, c'est parti. On écoute. Allez. Trop fier d'avoir accepté ce game avec toi. pas de limite, tous les coups sont autorisés. Même les coups en traite et les coups bas. Et pire que ça, on sait plus trop si on joue, on joue pas. Bien trop fort les enjeux et on mise où, on mise pas. Mystérieux tous les deux, on joue pas, pas avec l'amour ou sérieux. On se perdra comme ça. On joue pas, pas, on mise ou pas, pas, pas. Ne triche pas, pas, pas, pas. Une partie de moi, tu sais, t'as sous contrôle déjà. Mes mauvaises perdantes, comme je te connais, toi jusqu'au bout tu iras, c'est sûr, tu gagneras. On sait plus trop si on joue, on joue pas. Bien trop fort les enjeux et on mise où, on mise pas. Mystérieux tous les deux, on joue pas, pas, pas, avec l'amour ou sérieux. On se perdra comme ça. Bien trop fort les enjeux et on mise où, on mise pas. Mystérieux tous les deux, on joue pas, pas, pas, avec l'amour au sérieux. On se perdra comme ça. On joue ou pas ? Voilà, Alex de Lucie sur notre antenne cet après-midi sur Radio Gamozo dans les années bonheur. Voilà Alex, on vient d'entendre, on joue ou pas ? Oui, ici de Enchanté, de l'EP. Voilà, c'est de l'EP. Alors je veux dire, ben, cet EP, on le trouve toujours, je veux dire, on peut toujours te le commander. Oui, il m'en reste encore, effectivement, ouais. Faut en profiter. Voilà, après, ouais. Voilà, ce sera, je ne vais pas en presser des nouveaux, parce que bien j'avance, sûr. Et donc au fur et à mesure, il y a des nouvelles chansons qui... Bien sûr, ouais, ouais, ouais. Qui vont apparaître, mais ouais. Effectivement, vous pouvez le trouver sur mon site internet. Sur ton site internet, ouais, ouais. Tu veux rappeler l'adresse www.alex-delucie.com. Voilà. Bon. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Bah, écoute. Hein, voilà. Alors, Alex, tu enregistres où, en général, quand tu fais tes chansons? Tu enregistres dans quel studio? Bah, c'est marrant, mais pratiquement à chaque CD, j'enregistre ailleurs. D'accord, t'as pas fait tout jusqu'alors Ah non, j'ai fait, si tu veux, j'ai fait chez moi, sur l'Alsace. Ouais. Mmh. Ensuite, je suis parti dans le nord, et après, je suis parti dans le sud. D'accord. Ok. Donc, t'aimes bien un petit peu le changement, voir un petit peu comment ça se passe Ben oui, mais à chaque changement, j'ai trouvé d'autres choses. Ah ouais, bien sûr. Tu sais, Gilles, il faut se cultiver dans la vie de tout ce qui se passe un petit peu ailleurs, de ce qu'on peut trouver, des sonorités différentes. Différentes, bien sûr. Déjà, ouais, ouais. Donc c'est important, j'ai trouvé d'autres sonorités, des choses qui m'intéressaient de plus en plus. Et ouais. J'ai arrivé maintenant à un résultat qui est pas comparable à ce que je faisais à l'époque. Oui, mmh, après bien tout sûr. Évolue aussi, hein, c'est sûr. Hein, c'est... Oui, oui, bien sûr, ouais, c'est vrai que ça évolue vite et on tout. On le voit, ouais. La musique va très vite, tout oui. Évolue, mais aujourd'hui on cherche les derniers sons, qu'est-ce qui va se faire demain, voilà, il faut envisager demain, quoi. Oui, oui, bien sûr, ouais, oui, il faut se projeter, c'est vrai, ouais, ouais. Alors, il y avait une autre chanson aussi dont on avait parlé, ton rituel. Ah, oulala, oui. Oulala. Alors, cette chanson-là donc, fait partie de tes nouvelles compositions. Oui, ça fait partie du deux titres, il n'y a plus qu'à, oui. Du deux titres, il n'y a plus qu'à, voilà, ouais, ok. Alors, oui. On se l'écoute. Oui, d'accord. Ah, on se l'écoute et puis après donc on va un petit peu plus s'axer sur il n'y a plus qu'à, hein. D'accord, oui. D'accord. Donc on écoute ton rituel. J'ai suivi les rochers de ta vie pour m'accrocher à tes oublis. Les horloges marchands de sable ont fini par être raisonnables. Pour la déesse de l'Olympe, l'Aphrodite n'est plus humble. Oh ma belle, ton rituel me feras-tu la même? Tous les contes de fées pour enfants sont derrière moi depuis longtemps. Ma peine tant que la tienne avant que je revienne chez la reine. Serais-je le valet ou l'amant d'un soir ou tout juste joker de tes lois? On m'appelle ton rituel, me feras-tu la même? Voilà, ton rituel. Ça change, hein? Oui, ça change. Et bien d'ailleurs, sur ton rituel, on est en train de préparer un remix de dingue. D'accord, ouais, ok. Écoute, ouais. Je viens de le recevoir cet après-midi là, de Nicolas, et je peux te dire, il est monstrueux. Il est magnifique. D'accord. Mais c'est bien, ça bouge bien et tout. Ah oui, voilà. J'ai des nouvelles là ces derniers temps et ça fait vraiment plaisir, quoi. Ah ben c'est bien. Je fais un petit coucou à Mado de Radio Puisalène. Tu connais Mado? Coucou Mado. Ah, Mado, elle est. Je pense qu'elle doit être à l'écoute. Elle est souvent à l'écoute, ouais, dans ces heures-là, hein, pour l'émission. Donc voilà, Mado, on lui fait des bisous. Un gros bisou, Mado. Tu étais passé chez Mado, toi, Alex, ou... Oui, on a fait un fauneur. Ouais. Ah oui, on a fait un fauneur. Bah oui, il me semble que... Je vous avais pas fait un petit coucou? Je sais plus. Oui. Ah si. Ah, si, je suis, tu vois. On essaye de suivre. On essaye de suivre, il faut. Alors donc, on a entendu ton rituel, on va entendre un petit peu plus tard, il n'y a plus qu'à. Oui. Donc, il y a d'autres compositions qui vont suivre? Ben, au fur fur et à mesure, oui, maintenant, comme je t'ai dit, là, il est tout frais. Oui, il est tout frais, bien sûr, oui. On l'a sorti en septembre. Ouais. Donc, il y a un mois. Ouais, oui, c'est vrai que c'est tout frais, donc, effectivement. Tout frais, donc on va le laisser un petit peu mûrir. Bah oui. On va le laisser un peu mûrir, on est en pleine promotion dessus, et après on suivra avec ton rituel, puisqu'il y aura un remix derrière qui va s'enchaîner. Ouais. Et bien sûr, on préparera au fur et à mesure les prochaines chansons. D'accord, ok. Autrement, des concerts, des dates prévues Pour l'instant, comme on est en pleine promo, on court un peu à droite à gauche, c'est plutôt les émissions. Ouais, d'accord, oui, bien sûr, bah oui, pour faire connaître, bien sûr. Ouais, quand on a un album comme ça qui sort, c'est, on fait surtout d'abord des radios, des télés, donc c'est vrai que c'est beaucoup, pour l'instant, de la promotion, et après on fera les concerts un peu plus tard. Un petit peu plus tard, ouais. Ça c'est dans... Et voilà, oui, c'est sûr qu'il faut faire connaître, pardon, le... ces chansons-là, oui. Hein, bien sûr, voir la réaction du public, tout ça, voir comment ça se passe. Et... Exact, oui. Ah, exact, hein, c'est vrai que. Et autrement, tu travailles comment quand tu composes, je veux dire, tu. Ah, je pense que je t'avais déjà posé la question, mais. Je t'avais déjà posé la question. Oui, oui. Mais bon. Alors là, comme je travaille avec Thierry, lui, il préfère que je fasse la mélodie et lui pose le texte. Il pose le texte sur la mélodie, d'accord, ouais. Quand je travaille pour moi, donc quand je fais l'auteur de mes propres chansons, là, ben, par contre, là, j'écris d'abord les paroles et après, je pose la mélodie dessus. D'accord. Voilà. Okay. Ok. Mais quand tu es dans la composition, par exemple, je sais pas, on va dire, pour les paroles, tu travailles ça à quel moment de la journée? Je veux dire, je sais pas, quand est-ce que tu es inspiré? Ah ben l'inspiration, elle vient quand elle vient, et quand elle est là, il faut en profiter. Il faut en profiter, d'accord, oui, bien sûr. Donc ça peut venir n'importe quand, je peux rouler et entendre, il y a une phrase là, et elle est pas mal, celle-ci, je sais pas d'où elle vient, mais j'ai une phrase... Ouais. Une phrase, deux phrases qui s'enchaînent, j'ai dit mais ça c'est pas mal quoi, et puis ou alors des fois c'est comme ça le soir quand tu rentres ou etc. Ouais, ouais. La nuit, non? Non, la nuit je dors. Tu dors. c'est vrai, tu dors la nuit. Bon, ouais, ça m'arrive quand même. Ouais. Non, mais bon, ça c'est après un peu utopique, hein. Les gens, oui, qui travaillent la nuit pour écrire, je sais pas, j'y crois pas, je crois moyennement, mais... Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y en a des fois qui nous le disent, hein, ils nous disent paf, c'est pareil, ils ont quelque chose, voilà, ils sont... Ouais, après, ils sont réveillés, ils ont, comme tu disais, ils ont une phrase, un petit bout de texte, quelque chose, et hop, et tout de suite, pour pas oublier, enfin, je sais pas, hop, ils vont écrire ça, et puis oui. Ils prennent ça le lendemain, enfin, tu vois, il y en a quelques-uns qui m'ont dit... Ça peut arriver, mais ça bon... Ça peut arriver, ouais. Non, la nuit... On travaille assez en journée. Oui, il oui, faut se reposer quand même. Puis bon, il y a autre chose à faire la nuit. Hein. Oui. Déjà dormir correctement, c'est pas une bonne chose. On s'est compris. Alors. Ah. Gilles, oui. Nuit, on dort. Oui, on dort. On dira pas plus, Alex. On dira pas plus. Donc le travail avec Thierry, bien sûr, se fait parce que Thierry, je me souviens plus, il est dans quelle région, Thierry? Il me l'a dit pourtant, mais je sais plus. La façade ouest, hein, dans le ouais. En Bretagne, hein, près de Nantes, hein, je crois. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais, là-bas, je crois. Ouais, ok, ouais. Donc ben vous travaillez comme ça, je veux dire, avec avec les moyens techniques que l'on a maintenant mm-hmm. Hein, dès que tu as une composition, tu lui envoies Thierry. Ah oui, mais il y a toute une équipe après derrière. Oui, ouais, ah oui. D'accord. Alors explique-nous, Alex. Là, t'as 4-5 bonhommes qui vont bosser dessus, hein. D'accord. Oui, bien sûr. Le compositeur, l'arrangeur, bien sûr, ouais. Le promoteur. Oui, ça fait, oui, quand même une petite équipe. Une équipe, hein, après, effectivement, oui. Mm-hmm. Mais c'est, voilà, tu t'es toujours entouré à peu près de, peut-être à part dans tes débuts, mais je veux dire, autrement, tu travailles toujours avec, Thierry, ça, il n'y a pas de problème, hein, on sait, mais je veux dire, pour les arrangements, tout ça, tu... Bah, les arrangements, j'ai souvent changé hein, d'un ouais. album à un autre parce que je recherche d'autres choses, oui, d'autres sonorités. Oui. Comme tu disais tout à l'heure, avec par exemple pour les studios, là tu recherches autre chose. Voilà, je sur un arrangeur qui va trouver des arrangements spécifiques et puis voilà donc voilà. D'accord. Alors donc il n'y a plus qu'à. Alors là, il y a eu un clip vidéo, hein, oui, donc oui. qu'on peut. D'ailleurs, un très beau clip. Un très beau clip, hein, voilà. Qu'on a tourné du côté de Montpellier. Ah oui, je voulais te poser la question où tu avais tourné ce clip, donc. À Montpellier. À Montpellier. C'est magnifique, le paysage est magnifique là-bas. Enfin, surtout aux alentours de Montpellier, quoi. Hein, donc. Oui, bien sûr. Alors, ouais. Là-bas, c'était magnifique parce que derrière, t'as des montagnes et tout oui, ça. Oui, on voit des montagnes, tout ça, ouais. C'est assez impressionnant, hein, t'as la mer, mais derrière, quelques kilomètres, t'as des petites montagnes comme ça, c'est très joli, hein. D'accord. Et puis, une petite question que je vais te poser. Vas-y. Tu devines pas. Je sais pas si tu veux me poser comme question. Oui, tu vois, hein. Est-ce que la jeune femme qui est derrière toi. Toi, je parlerai pas de la guitare ce coup-ci, je parlerai juste là. Oui, bah bien sûr, bah oui. Est-ce que la jeune femme qui est derrière toi est la même que sur ton. Enfin, sur le clip que tu avais fait pour. Non. Voilà. C'est pas la même. Tu changes aussi là alors. Bah oui, bah après c'est le réalisateur. Oui, bien sûr, oui, non, mais je plaisante. La première, c'était une Alsacienne, donc. Ouais. Là, c'est du côté de Montpellier. C'est des gens de la région. Oui, c'est des gens de la région, bien sûr. Oui. T'as pas emmené une Alsacienne dans tes valises pour aller faire le clip à Montpellier. Ouais. Oh, ça reviendrait un peu cher à force. Oui. Je suis en autoproduction, donc je fais tout moi-même. Donc, oui, c'est sûr. C'est sûr. Bon, on fait confiance au réalisateur, tu vois. Bien sûr, oui. Puis moi, je peux pas tout gérer. C'est déjà comme ça, je gère beaucoup de choses. Alors je viens tourner un clip, trouve-moi telle et telle personne. Il me faut une maquilleuse, une danseuse, etc. Et puis lui trouve ça. Hein. Oui, bien sûr, oui. Donc un clip comme ça, tu as mis, ça prend combien de temps? Je veux dire, pour tourner ce clip. C'était un parcours du combattant. Ouais. Parce que c'était sur 3 jours, on devait tout faire. On devait faire le clip, donc tourner toutes les scènes. En l'extérieur, hein, parce que... En extérieur. En extérieur hein. aussi. En extérieur, plus enregistrer les chansons. D'accord. Alors, je te raconte pas. Je suis parti le matin, le vendredi. Ouais. Mmh. Le vendredi, j'arrive à Montpellier en fin d'après-midi, 16h, 17h. Oui. Direction chez le réalisateur. Oui. Réalisateur, là, on a tourné encore il devait quoi être 21h jusqu'à pratiquement 1h du matin. D'accord. Ouais. J'étais déjà debout depuis 6h le matin, quoi. Hein. Oui, effectivement. Oui, demie, ouais, donc, ouais. Jusqu'à 1h du matin, de samedi matin. Ouais. Après, dormi. 9h debout, direction le studio d'enregistrement. Ouais. Là, on a enregistré les voix, donc des deux chansons. D'accord, ouais. Donc on a passé une bonne partie encore de samedi, l'après-midi. Oui. Et samedi soir, rebelote, on a encore tourné des scènes du clip. Oui. Et dimanche, toute la journée, de 9h à presque 23h... Oui, donc c'était du travail. Et hein, c'était je repartais le lendemain, le lundi matin, quoi. D'accord. Ah, mais pour le clip, il y a eu une partie quand même de synchronisation faite en studio, enfin où tout était fait à l'extérieur. Tout est fait à l'extérieur. Tout est fait à l'extérieur. D'accord. Ah oui. Ok. Alors là, on a fait des kilomètres. Il fallait aller à tel endroit parce que eux, ils s'y connaissent. Ils sont oui, bien sûr. Région, hein. Donc moi, j'y connais rien. Hein. Moi, j'embarque dans la voiture et ouais, d'accord. Ils m'emmènent sur les scènes. Et puis on a tourné dans un château, un petit château, un ancien château un peu en ruine comme ça. Et c'est là où on a Yabuka pour les principales scènes. D'accord, oui. On voit sur les images un petit peu hein, le style un petit peu, comment je dirais. Comment on pourrait dire ça quand tu es à l'intérieur là, donc c'est à l'intérieur du château là, hein, c'est dans ça, dans une pièce. Après on te voit à l'abandon et puis il y avait une mosaïque par terre. Il a fait une genre de cage, une cage autour de la mosaïque. Moi j'étais au milieu de la cage. D'accord, ouais. Et puis autour, voilà, il y avait, c'était un peu tagué comme ça, puis ça le faisait quoi. Donc les murs étaient un peu tagués, etc. Et c'est un peu l'ambiance. Bien sûr. Alors, comment ça se passe? Alors, je veux dire, bon, moi, j'ai fait mon petit clip pour ma chanson là. Comment ça se passe? Je veux dire, quand en extérieur, pour la musique, pour que toi, tu chantes. Ouais. Comment ça se passe Tu prends une petite enceinte, hein, des petites, des Wi-Fi, là, enfin les machins, Bluetooth, voilà. Les Bluetooth, Bluetooth. D'accord. Et bah tu fais play, tu fais à peu près par jour 150 fois la même chanson. Tu vois, oui, c'est chouette. C'est ce que je pensais. À la fin, tu la connais. Le jour où sur scène, quand tu vas la faire sur scène, tu peux pas oublier les paroles. Et en plus, le pire, c'est que tu arrives sur scène et tu arrives encore des fois à zapper des paroles. Des trucs. C'est terrible, le cerveau humain, des fois. Ah bah oui, c'est sûr. On est tous pareils, on est humains. Ah, oui. Voilà, je connais par cœur mes chansons, mais je veux dire, voilà, c'est vrai que tu vas les chanter 150 fois, des scènes. Et puis voilà. Bien sûr, ça fait du travail, c'est vrai que... Non, c'est fatigant. Oui, je me doute bien, oui. Mais bon, en extérieur... C'est beaucoup plus fatigant qu'aller chanter dans un studio, hein. Ah oui, je pense bien, oui. Bon, moi je sais que pour ma petite expérience à moi, ça avait été fait en intérieur, tu vois, derrière un comacré, quoi, tu vois. Oui, Fond vert, oui. Un fond vert, tu vois, et puis voilà, c'est pareil, j'ai chanté 25 fois la chanson, moi, je veux dire, après, il y a les caméras, machin, un truc, mais je m'en perds après. Mais c'est vrai que en fin de journée, t'es un petit peu, Bon. Parce que si tu veux, t'as... Plus tu fais de plans, plus tu vas chanter ta chanson. Et oui, c'est ça, ouais. Hein, parce que là, si tu regardes le clip, je crois, tous les deux secondes, t'as un plan différent. Hein. Oui, bien sûr, C'est très dynamique aujourd'hui, c'est plus les clips où tu vas chanter pendant 15-20 secondes le même plan de fade, de profil, c'est tout va très vite. Je comprends ce que tu veux dire. Un autre plan, etc. Je comprends. De malade. Je comprends ce que tu veux dire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'était un petit peu pépère, quoi. C'est ça que tu veux dire? Comment dire, c'est un peu de âge, quoi. Non, je plaisante. Ah, tu me connais, Alex. Mais après, c'est différent. Bien sûr, et puis voilà. C'est d'autres moyens. Et c'est... Bien sûr, d'autres moyens, c'est pas le même registre. Voilà, c'est pas la même chose, moi, je trouve que c'est très bien ce que tu fais, hein, Gilles. Hein. Mon petit dernier, j'ai trouvé ça sympa, quoi. C'est vrai que j'aurais. L'important, c'est de se faire du plaisir. Voilà, c'est comment tu vas le faire. C'est se faire plaisir. C'est prendre du plaisir de ce que tu fais. Bien sûr, ouais. C'est essentiel. Bien sûr. Puis la passion, tout ça, voilà, quoi. Ah, s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas rien. De vie. Effectivement, tout à fait, ouais. Il n'y a rien, alors on fait autre chose. Hein. Bien sûr. Alors, Alex. Oui. Il est 16h49. Ça passe vite. Dis donc. Donc, on va quand même écouter ce titre. Oui, hein. Exact. Ah, c'est le titre phare. C'est le titre phare, là. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, on va le garder pour la fin. Voilà, c'est bien comme ça. Donc, on s'écoute. Il n'y a plus qu'à. Là, je me souviens de ça, je me souviens de toi. Et tu t'es retourné, mes yeux ont fait le grand écart. Sur le jackpot, les trois barres. Sur le jackpot, les trois barres. Oui, mais voilà, toutes les filles kiffent. Les mecs qui font le premier pas, c'est pas mon style à moi. Y'a plus qu'à te dire je t'aime. Mais ça je sais pas. Y'a plus. Zara, les soldes de premier choix. T'as laissé tomber quoi à mes pieds maladroites? Ton iPhone patatras. Tu t'attendais à quoi? Oui, mais voilà, toutes les filles kiffent les mecs qui font le premier pas. Et je suis pas dans le format. Y'a plus qu'à, y'a plus qu'à te dire je t'aime. Mais ça je sais pas. Y'a plus qu'à, y'a plus qu'à demander à sirène de chanter. La scène en stop motion movie, le temps que je cherche mes mots ici. Et y'a plus qu'à, y'a plus qu'à te dire je t'aime. Mais ça, ça je sais pas. Voilà, il n'y a plus qu'à. En plus, c'est, oui. tu as mis la version longue. Oui. Eh oui, parce qu'il y a un pont supplémentaire. La plupart des radios, ils mettent la... Parce que j'ai une version radio, j'ai une version longue, quoi. Et, oui, et tu m'avais envoyé les... Ouais, les deux versions. Ouais, j'avais pris la version... Et justement, c'est assez intéressant parce que t'as une petite partie en plus, tu vois, et ouais. Je trouve ça sympa. Bien sûr. Mais comme tu sais aussi que bah, aujourd'hui les chansons, il faut qu'elles soient de plus en plus courtes parce que... Plus courtes, oui. Courtes parce que sinon elles ont du mal à être diffusées. À être diffusées, oui. Alors je trouve sur cette chanson que tu... Bon, je connais ta voix, mais je trouve que tu montes haut dans... Qu'est-ce que je dirais, pas dans les aigus, dans les... comment on pourrait dire sur, je dirais sur le refrain quand tu dis il n'y a plus qu'à, tu montes ta voix très haute. Oui, en voix de tête, oui. Hein, voilà, ouais. Oui. Et je veux dire, bon, tu travailles tous les jours ta voix. Enfin, je pense que. Bah oui, c'est. Tous bah, les jours c'est tu travailles, hein, c'est pour avoir toujours. Ah oui, mais sinon tu travailles pas. Oui. Impossible. Bien sûr, oui. Et chaque chanteur travaille, hein, faut pas se leurrer. Hein, et ah bah oui. Non, c'est important, il faut prendre des cours, t'as pas le choix. Hein. Oui. Non mais c'est sur, ça m'avait interpellé, si tu veux, mais bien, en bien, hein, bien sûr. Hein, je veux dire sur ce, voilà, quand tu montes sur cette chanson là, comment dire. Bah vous voulez mettre un peu, enfin en tout cas moi c'est ce que je recherchais dans la mélodie, c'est de mettre un peu de hauteur. Oui. Dans la chanson. D'accord, ok. Donc, ouais. Une hauteur aussi vocale. Oui. Tu vois. Oui. Pas forcément d'envoyer comme je pourrais envoyer peut-être dans SOS ou dans le port d'Amsterdam. Oui. La hauteur en note. Voilà, je voulais de la hauteur et de la légèreté. Et de la légèreté, voilà. C'est, oui, ok, c'est ce que je ressentais moi, voilà, en écoutant. Voilà, c'était pas comme tu dis, voilà, envoyer plus dans les, comment on pourrait dire, dans les aigus ou je sais pas, enfin voilà, hein, c'est. Oui, c'est dans les aigus, mais les aigus, en légèreté. En légèreté, voilà. Bien sûr. Oui. C'est une belle chanson et c'est vrai que, ben là, juste avant, Dani me le disait d'ailleurs. Ben là, oui, elle me met un petit mot, elle me dit j'adore, il y a plus qu'à. Oui, c'est une très belle chanson et ouais. C'est vrai que. Dans l'équipe, ils croient beaucoup, c'est vrai, sur cette chanson, parce qu'elle a quelque chose. Bien sûr, ouais. Elle a quelque chose, et bien voilà, Il n'y a plus qu'à. Alors donc, j'invite donc nos auditeurs, nos auditrices, voilà, donc aller visionner aussi le clip vidéo de cette chanson. Oui, il y a un clip sur Facebook ou sur YouTube, où vous tapez il n'y a plus qu'à Alex de Lucie, un très beau clip, et voilà, je le conseille d'aller le regarder parce qu'il est bien réalisé, et je remercie d'ailleurs toute l'équipe. Toute l'équipe qui a travaillé avec toi, bien sûr, pour ça. Oui. Alors, j'avais un petit mot de ta maman. Ah. Elle me disait, la guitare, ça nous a quand même tous marqués. Ah. Bon, c'était des petites blagounettes, tu sais, des premières émissions, ça, hein, là. Ah oui, c'est... Où je t'avais dit, si tu viens pas avec ta guitare, si tu viens pas avec la danseuse, on fait plus d'émissions, je crois. Oui. C'est vrai. Je crois que ça a resté, bon, voilà. Oui. Que c'est vrai, mais on pourrait se faire ça un jour. Je te l'ai dit, un jour je viendrai avec ma guitare, et puis on... Oui, si t'étais venu quand même avec ta guitare, Alex. Mais oui. Si, t'étais venu, c'était au mois d'août 2016, 2015, je crois. Oui, c'était en 2015. Oui, par Bolivien, non? Voilà, tu nous avais fait un ou deux petits extraits. Si, t'étais venu avec ta guitare, et puis voilà, puis une jeune femme aussi qui était là. Bien sûr. Hein, bon. Quand elle peut m'accompagner, elle n'hésite pas, par contre. Hein. Ah bah bien sûr. Je peux venir. Bah oui. Voilà, c'est la fan de la première heure. Oui, bah hein, je pense. Hein, voilà. Après bon, quand je suis sur Paris, c'est un peu plus délicat. Oui, c'est sûr. Oui, puisque bon. Bah... Ça va très vite. Il faut que j'aille à droite, à gauche et. Oui, et puis bien sûr. Quoi. Mais quand je peux venir, voilà, chez des amis comme toi, ou Bernard, enfin tous ceux que je connais, voilà. Bien sûr, et puis on avait apprécié aussi le kouglof que ta maman avait fait. Et puis ne dis pas ça, les autres animateurs, ils vont... il est privilégié, lui. Non, je ramène toujours quelque chose à chaque animateur. Et puis il y avait la petite bouteille de vin blanc qui allait bien avec. Un petit sourire d'Alsace. Ouais. Non mais c'est des bons souvenirs, et puis c'est vrai que voilà, ils ont toujours été ça. Le côté chaleureux, humain, il faut que les êtres humains le gardent. Hein, oui. Et puis bon, c'est vrai que j'ai toujours, on se répète en radio, mais c'est vrai qu'avec les temps qui courent, avec tout ce qui se passe, je veux dire, voilà, il faut du sérieux, bien sûr. Bien sûr. Et puis quand même de la bonne humeur, quoi. Voilà, un sourire, quelque chose, tout ça, c'est... Exactement. Même à l'antenne, on l'entend. Je dis, c'est vrai que la semaine dernière, j'avais une jeune artiste que j'ai reçue. Vraiment, c'est du bonheur, quoi. Je veux dire, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, c'est vrai. Voilà. Ouais. Voilà, Alex. Eh ben, écoute, il est 16h59. Ouh. On va rendre l'antenne. D'accord. Voilà, écoute, alors je te remercie encore d'être fidèle à notre radio, d'être sur nos ondes. Écoute, je te remercie surtout toi, Marc, et à la technique. Donc, ouais, bien sûr. Vraiment toute votre équipe. Et puis surtout aussi également tout le public, les gens qui m'écoutent, qui me mettent des likes sur Facebook, des commentaires. Bah bien sûr, et je les lis tous, donc n'hésitez pas à m'écrire, à me demander un ami sur Facebook, voilà, j'ai tout, et puis ça me ferait plaisir de converser avec vous. D'accord. Bon écoute Alex, moi je te connais, tu es un bel artiste, tu es aussi mon ami. Oui. Donc voilà, je veux dire, moi je te souhaite plein de succès. Donc avec ce titre, il n'y a plus qu'à. Hein, et puis bien sûr, on reste en contact. Tu es toujours le bienvenu. Hein, quand tu auras d'autres, Ils te connaissent pas encore ton futur, le futur Gilles en préparation là. Le futur Gilles en préparation, c'est vrai. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est vrai. Oui, t'as raison de le souligner. T'as raison de le souligner. Bon, ça a été un petit peu, comment je dirais... En tout cas, c'est comme la chanson, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci Alex. Merci Gilles, merci à tous. À très bientôt, puis tu fais bisous à tout le monde à la maison, d'accord? Ça marche, bisous à tous. Allez, bye bye, à bientôt. Ciao. Merci. Pour tous les silences qui nous tournent autour, j'ai la bonne solution. en plaçant